reste-t-il pour nous, ma douce? Faire des choix aussi pour soi. La fossoyeuse est à nos trousses. Pas question de vivre aux abois. De louvoyer entre les frousses. Le temps, petit malin sournois, vers la sortie, il nous repousse. Il n'y a plus que toi et moi. Pour le mieux, on s'accroche. jouer au plus malin. En s'évitant tous les reproches, il n'y a plus que toi et moi. N'existe pas dans l'immobile qui s'enfièvre. Il n'y a plus